الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إن دين الإسلام دين الإصلاح والصلاح دين التربية والآداب دين خلق ورفعة جاء بتزكية القلوب وتطهيرها وتنقية النفوس وتصفيتها وإصلاح الظاهر والباطن لذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من سوء الخلق فقال إن العبد ليبلغ من سوء خلقه أسفل درك جهنم أخرجه الطبراني من حديث أنس رضي الله عنه ألا وأعلم عباد الله أن من شرار الناس خلقا وأخبثهم ضميرا ذا الوجهين حذر النبي صلى الله عليه وسلم من فعلهم وبين خبثه وأنذر من سوء عاقبته يوم القيامة أخرج البخاري ومسلم رحمهما الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تجدون شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه وعند مسلم إن شر الناس ذو الوجهين قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى إنما كان ذو الوجهين شر الناس لأن حاله حال المنافق إذ هو متملق بالباطل وبالكذب مدخل للفساد بين الناس وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى هو الذي يأتي كل طائفة بما يرضيها وصنيعه نفاق محض كذب وخداع إلى آخر كلامه رحمه الله والنبي صلى الله عليه وسلم قال شر الناس هذه مبالغة في ذم ذي الوجهين والتحذير منه وكراهية صنيعه فالحذر من هؤلاء والتشبه بهم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجدون شرار الناس يوم القيامة تجدون شرار الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين هؤلاء أهل نفاق والنميمة مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال شر الناس هذه خصلة ذميمة تلاحظونها في مجالس كثيرة من مجالس الناس اليوم يأتيهم هذا فرحا بهم مظهرا المحبة والنصح وأنهم معهم وأنه منهم فإذا تولى طعن فيهم وذمهم هذه خصلة من خصال النفاق عياذا بالله قال الله عز وجل وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون هؤلاء يجب عليهم أن يتوبوا إلى الله وأن ينصحوا، فإلا فضحوا ولو بعد حين. عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له وجهان في الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من نار، كان له يوم القيامة لسانان من نار. رواه أبو داود وصححه الألباني رحمه الله رحمة الله عليهما. فأهل التلون والوجهين، فأهل التلون والوجوه الذي ينشرون الشر ويفرقون الجماعات لهم جزاؤهم يوم القيامة، وإن تستروا بين الناس في الدنيا يفضحهم الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، والجزاء من جنس العمل. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم أبعد الناس عن ذي الوجهين وصفاته. قال ناس لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما في زمن مروان رحمه الله: إنا لندخل إلى سلطاننا وأمرائنا فنقول لهم خلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كنا نعد هذا، كنا نعد هذا نفاقا، كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. ونسأل الله سبحانه وتعالى يطهرنا أجمعين من سوء الخلق. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائل: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ورضي الله عن الصحابة أجمعين. أما بعد، شيخ خير، الإسلام qui nous a été révélé par Allah subhanahu wa ta'ala et avec lequel il a envoyé notre noble prophète et messager Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam, est une religion de réforme, une religion qui appelle à tout le bien et qui met en garde contre tout le mal, une religion qui éduque et purifie l'intérieur et l'extérieur, une religion qui purifie les cœurs, une religion qui appelle au noble caractère. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde contre tout ce qui pouvait altérer ces nobles caractères, au point de dire: et certes, le serviteur atteint les profondeurs de l'enfer à cause de son mauvais comportement. Sachez, mes chers frères, que parmi les pires des gens et les plus mauvais comportements, le fait d'avoir deux visages. Le fait d'avoir deux visages. Lorsque tu te rends à tel groupe, tu leur montres que tu es avec eux et que tu les aimes et que tu fais partie des leurs. Et lorsque tu te sépares d'eux pour aller à un autre groupe, tu leur montres également que tu les aimes, partage leurs opinions, fais partie des leurs, et tu critiques le premier. C'est celui qu'on appelle l'homme aux deux visages. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde contre ce mauvais comportement, nous a montré que c'était la pire des personnes, et a averti sur la mauvaise fin de ce type de personnes, que ce soit dans ce bas monde ou dans l'au-delà. L'imam al-Bukhari, l'imam muslim, rahmatullahi alayhima, nous rapporte sur Abu Hurayra radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: vous trouverez que les pires des gens sont ceux qui ont deux visages. Vous trouverez que les pires des gens sont ceux qui ont deux visages. Il se rend à tel groupe avec un visage et à tel autre avec un autre visage. Sans aucun doute, cela fait partie des branches de l'hypocrisie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un autre hadith, le pire des gens est l'homme aux deux visages. L'imam al-Qurtubi rahimahullah ta'ala explique ce hadith en disant, l'homme aux deux visages est le pire des gens car son état est semblable à l'état des hypocrites. Son état, sa situation, son comportement est semblable à celui des hypocrites. Il marche avec le faux, avec le mensonge, et entre chez les gens avec le désordre, et il le sème. Quant à l'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, il commence ce hadith en disant, c'est celui qui se rend à chaque groupe avec ceux qui causent leur agrément. Donc, son but est de chercher l'agrément des serviteurs, au point de mentir, et de faire apparaître le bien et de cacher le mal. Il n'est pas sincère envers les gens. Lorsque la personne a le faux ou parle avec le faux, elle ne lui dit pas « tu t'es trompé ». Elle ne conseille pas celui qui est en tort. Mais devant elle, elle lui montre qu'elle est satisfaite et que c'est une personne de bien. Mais lorsqu'elle lui tourne le dos, elle se met à la critiquer. Elle se met à la critiquer, à la dénigrer. Voici l'homme aux deux visages. Voici l'homme aux deux visages. L'imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala nous dit donc, c'est la personne qui se rend à chaque groupe avec ceux qui causent leur agrément. Et son agissement est semblable, ou plutôt son agissement est purement de l'hypocrisie. Son agissement est purement de l'hypocrisie, du mensonge et de la tromperie. Il ruse pour savoir ce qui se passe auprès des gens et les secrets de chaque groupe. Voici la pire des personnes, décrit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'homme aux deux visages. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous met en garde contre cette personne, contre le fait de lui ressembler, contre le fait de la prendre comme ami et de lui faire confiance. Il met en garde, sallallahu alayhi wa sallam, contre toute action, tout comportement et toute croyance qui pourrait entacher les nobles caractères. Et sachez que cette personne qui ruse dans ce bas monde et qui cache et trahit dans ce bas monde, elle sera dévoilée. Elle sera dévoilée le jour de la résurrection devant l'ensemble des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, vous verrez que la pire des personnes le jour du jugement dernier auprès d'Allah sera l'homme aux deux visages. Sera l'homme aux deux visages. Cette personne agit dans le colportage. Elle sera à tel groupe, elle prend les informations et va à tel autre groupe pour semer la discorde entre les rangs des croyants. Voici la pire des personnes décrite par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Charrun nas dhul wajhayn. Et tu trouves cela dans beaucoup d'assises. Malheureusement, une personne vient et prend place dans l'assise et montre et fait apparaître l'amour et le conseil sincère. Mais lorsqu'il quitte cette assemblée, tu le vois les mépriser, les critiquer, les dénigrer, afin d'obtenir l'agrément d'un second groupe. Et il va d'assise en assise avec cette hypocrisie, en semant le désordre et la discorde entre les différents rangs chez les musulmans. Combien est-ce qu'ils ont séparé entre les bien-aimés, entre le frère et son ami, entre la femme et son ami, entre l'homme et son épouse, entre le savant et son élève, entre le père et son fils? Combien de ces gens ont semé la discorde et la division dans nos rangs? Ils ont une ressemblance avec les hypocrites. Allah subhanahu wa ta'ala, dans Surat al-Baqarah, en parlant des hypocrites, nous dit, et lorsqu'ils rencontrent les gens qui ont cru, ils disent, nous avons la foi. Et lorsqu'ils repartent auprès de leur diable, ils disent, nous sommes avec vous, nous ne faisons que nous moquer d'eux. Voici le comportement de Dhul Wajhayn. Voici celui dont le prophète alayhi salatu wassalam a dit le pire parmi les gens. Ces gens doivent se repentir à Allah tabaraka wa ta'ala purifier leur intérieur et faire en sorte que l'extérieur soit semblable à ce qu'il y a dans leur cœur. Il faut les conseiller. Et dans le cas contraire, ils arriveront le jour du jugement dernier humiliés et dévoilés par le Seigneur des mondes, celui qui sait ce que cache le contenu des poitrines. Ammar ibn Yasir, radiallahu anhuma, nous dit: j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: celui qui a deux visages dans ce bas monde. Écoutez ce hadith, écoutez la menace adressée à ceux qui ont deux visages et leur finalité le jour du jugement dernier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: celui qui a deux visages dans ce bas monde, il viendra le jour de la résurrection et aura deux langues de feu. Il aura deux langues de feu. Al-Sheikh Abdurrazzaq al-Badr, hafidahullah ta'ala, explique ce hadith et nous dit que la rétribution est en fonction de ce qu'il faisait dans ce bas monde. Car celui qui vient auprès des gens avec deux visages, en réalité c'est avec sa langue qu'il sème le désordre. De la même façon, il sera ressuscité et Allah Azza wa Jal va lui donner deux langues, mais deux langues de feu. Et tout le monde verra cela, il sera dévoilé et avili, qu'Allah nous en préserve. Et sachez mes chers frères, que les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam détestaient les gens aux deux visages. Ils s'éloignaient d'eux et mettaient en garde contre eux. Et s'ils voyaient sur une personne une infime ressemblance avec ces gens-là, ils les avertissaient. Abdullah ibn Omar, radiallahu anhuma, a vu des gens sortir de chez le gouverneur Marwan rahimahullahu ta'ala. Et ces gens lui ont dit: nous entrons chez les gouverneurs, nous entrons chez les gouverneurs et nos dirigeants, et nous disons devant eux le contraire de ce que nous disons derrière eux. Lorsqu'on est chez eux, lorsqu'on est dans leurs assises, nous leur disons ce qui leur plaît. Et lorsqu'on se sépare d'eux, nous disons le contraire. C'est-à-dire qu'on les cite en mal. On les cite en mal. Abdullah ibn Omar, radiallahu anhuma, a dit à ces gens-là: voyez-vous ce que vous faites? Au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous considérions cela comme étant de l'hypocrisie. Donc si tu vois une personne dans le faux et que tu lui fais ses éloges et qu'en apparence tu lui montres que tu es d'accord avec elle et que c'est une personne de bien, puis tu t'en vas dans une autre assise pour la critiquer. Tu ne l'as pas conseillée. Tu n'as pas été véridique. Tu n'as pas été sincère envers elle. Puis derrière son dos, tu la critiques et tu la dénigres. Tu entres dans ce hadith. Sharrun nas dhul wajhayn. Les pires des gens sont ceux qui ont deux visages. Les pires des gens sont ceux qui ont deux visages. Donc craignez Allah et faites partie et soyez du nombre des véridiques, comme Allah Azza wa Jal nous ordonne dans le Qur'an. Wallahu a'lam wa sallillahumma wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azab an-nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa al-tuqa wa al-afafa wa al-ghina. Allahumma a'izz al-islam wa al-muslimin. Allahumma a'izz al-islam wa al-muslimin. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اشف مرضانا أرض المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. هذا نو فخير عيسى a perdu son père, converti à l'islam. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له ويرحمه ويرفع درجاته في الجنة. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.